jolie c'était toi. La plus mimi c'était toi. Partout je retourne sans toi. J'aimerais tant que tu sois là. Et dans les parcs et dans les bois, le soleil brille sur mes bras. Mais mon cœur lui, il ne brille pas. J'aimerais tant que tu sois là. Et dans les parcs et dans les bois, la plus mimi c'était toi. Partout où je reviens sans toi, j'aimerais tant que tu sois là. Je suis vieux, je bois du café, je passe mon temps dans les BD. Le monde me semble si laid, j'aurais mieux d'acheter mon billet. Car la plus